C'est le groupe d'or. La face. 81. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit François Landry qui vient nous parler de politique. On fait les sorties culturelles alternatives de Sébastien Dulude. Et on reçoit Ian Kelly en entrevue et prestation à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage requis. En ce mercredi, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Matt, ça va bien? Salut, ben même si tu réponds pas à mes signes de parler, oui, ça va bien. Ça va relativement bien, c'est cool. En fait, ça va moyennement bien. Pourquoi je dis ça? On va en parler tantôt dans la chronique technologique CNX, mais j'ai des petites misaventures technologiques hier et je vais vous en parler en détail. J'ai failli me faire fourrer. Ben oui, t'étais tout fier hier de m'annoncer que t'avais réussi à vendre ton... Ordinateur. Tu me contre ça tantôt. Oui, je ferai un JE de moi-même en parlant tout à l'heure. On va aussi recevoir François Landry pour parler de politique. On va aussi recevoir Sébastien Dulude, comme tous les mercredis, qui nous fait ses suggestions culturelles alternatives. Et puis, Ian Kelly va être présent pour une performance acoustique, quand même, acoustique en studio. C'est dur de faire une performance pas acoustique dans nos studios, par exemple. On n'a pas vraiment... Effectivement, mais c'est bien de le mentionner parce que... Faut le dire. Les auditeurs auraient pu ne pas le savoir. Voilà, on aurait pu juste faire jouer un disque puis dire que c'est live. Mais non, ça va être une vraie performance du vrai Ian Kelly qui va être ici. Ça va être tantôt, ça, dans environ une heure. Mais on va commencer en musique. Oui, tout de suite, on va écouter Champion. Et Alive Again, qui est sur le palmarès anglophone de C'est fou. Vous êtes au 89.1 FM, mais c'est Assemblage Rock. Ça m'assemble les requires. passé, j'ai rencontré un être très, très, très... Les amis au Pakistan, Imbras Tingra. C'est de leur album Cosmétique Cosmique. C'est nouveau dans le palmarès de C'est fou. C'est fucking rare, mais on aime ça. Ouais, c'est sûr que c'est particulier, les amis au Pakistan. C'est un style très, très pas commun, disons. C'est pas si accessible, mais quand même, là, c'est pas extrême non plus, je trouve. Non, puis cette pièce-là est pas si pire que ça, je veux dire. Parce que c'est quand même un peu, c'est quand même un peu ludique, là. C'est pas, si, c'est pas super sérieux, puis... Moi, je trouve que ça, c'est quand même assez facilement écoutable, même pour quelqu'un qui n'est pas habitué à de la musique différente ou expérimentale. Ou, je trouve que ça s'écoute bien parce qu'il y a un petit côté drôle puis un petit côté. Ben, ils se prennent pas au sérieux non plus. C'est ça, moi, je dirais quasiment que ça a l'air d'un genre de passe-partout sur l'acide, genre. Tout le monde en particulier. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que les gens ont déjà dit là-dessus. Mais bon. Donc, j'imagine que tous les enfants d'âge préscolaire qui ont des problèmes de toxicomanie vont apprécier la musique des amis au Pakistan. Oui, ou encore. C'est sûr que ça réduit un peu leur public. Cible, mais quand même, faut pas les négliger, les enfants d'âge précolaire avec des problèmes de toxicomanie. Ouais, tu dois savoir quelque chose là-dessus, hein? C'est pour ça que t'en parles, non? Pas de quoi tu parles. OK. C'est toujours Rassemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. D'ici la fin de l'émission, on a beaucoup de contenu, évidemment. Sébastien Dulude va venir nous parler de sorties culturelles alternatives. On va voir François Landry en politique. On va recevoir Ian Kelly en entrevue et en performance. Ça va être très bon, ça. Il va aussi avoir de la très bonne musique. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va écouter tout de suite, je pense. Oui, allons-y avec du Sunset Rub Down. Leur pièce du palmarès s'appelle Idiot Heart. Exactement. Vous êtes ensemble, Jérémy. Au 89.1 FM.

Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Marie-Anna, c'est un classique, entre guillemets, des palmarès de C'est fou, 89 FM. Vous êtes toujours à Assemblage requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu, hein, Kiwan? Eh oui, je suis là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu crois? Ben, comme d'habitude, à cette heure-là, ou à peu près, c'est l'heure d'aller écouter Mathieu parler. Dans sa chronique CNX, mais là, c'est ma chronique CNX. Mais là, c'est vrai hein, que c'est vraiment ta chronique CNX, parce que d'habitude, il y a toujours un thème dans ta chronique CNX, et puis tu parles de quelque chose, toujours un sujet en particulier, mais là, c'est le sujet Mathieu Plante aujourd'hui. Oui, c'est mes aventures.

C'est fou, 89.1. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Quelle est la pièce La Terre de son album Speak Your Mind à Assemblage Requis sur C'est fou 89.fm. Oui, Ian Kelly va être en spectacle le 5 novembre ici à Trois-Rivières, mais surtout, il est présent ici dans les studios tout de suite. Bonjour Ian. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. En tout cas, merci d'avoir accepté notre proposition de m'inviter. Alors, on est fait comme ça. Parce qu'on aime ce que tu fais. On n'accepte pas n'importe quoi ici. Donc, Ian Kelly, commençons par la base. Premièrement, la question évidente à demander, mais il faut le faire. T'es à moitié anglophone, à moitié francophone, c'est ça? Moi, je suis plutôt francophone dans ma vie. Parce que, ouais, je suis allé à l'école en français, tout ça. Mais je viens d'une famille bilingue où ma mère, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Puis mon père, c'est le français. Puis même ma mère s'est remariée avec un anglophone, puis... J'ai toujours habité aussi dans des quartiers bilingues à Montréal, à NDG. C'était moitié-moitié aussi dans mes cercles d'amis. Pis tout ça. OK, donc quand tu as commencé à faire de la musique, c'était évident que ce serait en anglais. Tu ne t'es pas vraiment posé la question. Non, pas trop, mais ça surtout à cause de, je pense, mon bagage musical, là d'où je viens. J'ai toujours écouté de la musique en anglais. Là, j'ai 30 ans, puis mon frère m'a fait découvrir Led Zeppelin, puis Jimi Hendrix, puis des trucs comme ça qui m'ont toujours fait En fait, c'est ça, j'ai toujours écouté la musique en anglais. Puis, quand j'ai commencé à chanter dans des bands de cover, tu sais, du Pearl Jam, puis des trucs comme ça, fait que c'était plutôt anglophone. Mais t'as commencé justement très très jeune. Je sais que t'as commencé à faire de la musique à l'âge de 13 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours musical depuis ce temps-là? Ouais. Ben, je me suis pogné le cul pendant plusieurs années. Je faisais pas mal de party, puis tout ça. Puis, disons que professionnellement, ça avançait pas, même si, veux pas, à force de faire de la musique puis d'écrire des tunes, j'ai l'impression que, comme dans n'importe quoi, on devient meilleur à ce qu'on fait. Puis si on devient pas meilleur, peut-être qu'on devrait se réorienter. Ouais. Ou en tout cas, peut-être pas imposer notre musique aux autres, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Puis quand je me suis pris en main un peu dans ma vie aussi, ben là, les choses se sont mises à avancer plus vite, ce qui fait que cette année, pour la première année depuis que je fais ça, je vis de la musique, ce qui est pour moi une grande réussite, parce que de vivre de son hobby, c'est comme... C'est le rêve, hein? C'est l'objectif. Ben, c'est ça, fait que je suis content. Je sais pas si ça va durer, mais je suis content d'être ça en ce moment, puis je l'apprécie, puis je trouve pas que 15 ans à travailler fort, c'est trop non plus. C'est correct que ça prenne du temps. C'est vrai que t'as travaillé fort, parce que t'as fait ton premier album chez toi, comme ça, maison, t'as appris par tes amis, t'as caché dans ta chambre à coucher. Ouais, tout dans le premier, pas le deuxième qu'on entend. Ben, le deuxième, je l'ai quand même fait dans la maison chez nous. Okay. Au complet, c'était quelque chose d'important. Même si j'avais un producteur, il a fallu que je lui dise, écoute, moi, je travaille bien dans mes pantoufles, puis c'est important pour moi que ça soit sans pression, puis que ça soit dans mon environnement. Puis le monde venait chez nous traquer les musiciens, tout ça, puis c'est cool, on se faisait des bouffes, puis on enregistrait de la musique. Puis c'était comme une ambiance plutôt décontractée. Bon, évidemment, j'ai jamais été dans un gros studio faire des albums avec du budget, avec un gros producteur. Fait que je sais pas si j'aurais fait la même chose. Mais je pense que vraiment d'avoir le luxe de pouvoir essayer tout ce qu'on voulait, parce que c'est pas plus cher quand t'es chez vous, ça donne ce que ça donne aussi. Puis je pense qu'on peut sentir sur le disque qu'il y a pas trop de pression. C'est pas comme, bon, la prochaine take, c'est la bonne, parce que là, ça coûte 500$ de l'heure. C'est vraiment comme... laid back, c'était un laid back atmosphere, puis je pense que ça m'a bien servi. L'important, c'est que tu sois satisfait du résultat aussi, puis j'imagine que tu l'as ici. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'avais une autre entrevue tantôt, puis je disais que mon objectif premier, c'est de plaire à moi-même, puis je pense que s'il y avait plus de monde qui faisait ça, on aurait moins de marbre, qui, je dis souvent le mot marbre, il y aurait moins de trucs. On entend des trucs, des fois, je me dis, ça se peut même pas que la personne qui chante là-dessus aime ça. Là, c'est comme... Puis je trouve que c'est de manquer de respect aux gens que de faire des trucs comme ça. Si ça nous plaît pas à nous, je pense pas que ça mérite d'exister. Fait qu'après ça, au pire, si les gens aiment pas ça, ben au moins t'auras la satisfaction, toi, d'avoir fait ce que tu voulais. Ben, puis je me dis, écoute, si moi j'aime ça, puis on est 7 milliards d'humains sur la Terre, il y en a sûrement une couple qui vont trouver ça popé. C'est certain. Ben, quelqu'un qui a aimé ça, si on continue dans ton historique, t'as participé à l'émission Bel et Bum pour la 4e fois à Télé-Québec, puis c'est pas mal cette émission-là, veux pas, qui t'a donné pas mal un coup de pouce là, assez énorme. Ouais. Ouais, la première fois que je suis allé à Bel et Bum, c'est à la suite de ça que j'ai eu une offre pour d'Audiogram pour faire un album avec eux. D'ailleurs, j'ai dit non quand ils m'ont approché la première fois. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était le fun d'être en contrôle à 100% de mon projet puis tout ça. La grosseur de la machine qui faisait peur, quoi? Ou ben, un peu. Je me suis dit... je sais pas. Ça m'effrayait un peu de donner les rênes à quelqu'un d'autre. Mais finalement, après discussion, puis ça, je me suis rendu compte que c'était pas ça pantoute. Okay. Puis que, au contraire, c'était à tous les niveaux, ça pouvait être bénéfique de... Dans le fond, ce que j'ai eu de plus là, en faisant un disque avec eux autres, c'est que j'ai pu prendre une année à rien faire d'autre qu'un album. Je pense que ça aurait pas été pareil si j'avais travaillé à temps plein puis fait ça les week-ends. Là. Ça fait la différence sur le produit. Que ça fait la grosse différence. Ouais. Une autre personne qui a aimé vraiment ce que tu fais, c'est Patrick Huard. Je disais que ta pièce que tu vas nous jouer tantôt, Take Me Home, a été diffusée dans un épisode de Taxi 22. Tu fais divers comme ça, mais c'est le fun. Puis ça fait entendre ta musique, c'est cool. Oui, ça a l'air qu'il aime beaucoup ce que je fais. On m'a invité à sa fête pour aller jouer pour lui. Puis il écrivait des commentaires dans une revue dernièrement. Puis... à la main, il était comme rédacteur en chef, puis il se commentait des commentaires, puis là, il a écrit « Ah, moi, j'écoute Ian Kelly », puis nanana, puis... Mais c'est sûr que d'avoir des espèces de, d'endossements comme ça, comme Paul Arcand a fait aussi à la radio, puis comme... ça donne une crédibilité au projet, puis ça fait que d'autres mondes tendent l'oreille des fois, puis ça, c'est sûr que c'est cool. Ouais. Ouais, vraiment. Ça donne un bon petit coup. Ouais, ouais. Moi, je peux dropper des noms aussi. Là. Ah, name drop! Let's do it. Mais non, mais ben, Marimé a fait une belle critique de mon album. Anyways. Ouais. Cool. Super. On parlait tantôt de langue. On n'a pas abordé la question de... T'as choisi de chanter en anglais. T'as fait, bon, on disait quelques pièces en français. Mais ton choix de carrière là, est orienté vers l'anglais. T'aimes ça? C'est le fun? Ouais, cool. C'est pas mal le fun. J'aime pas mal ça. Ouais. Mais ouais, mais j'écris aussi, tu sais, je suis très fier de parler français, puis de, je pense que ce qui est le fun d'où on vit en ce moment, puis des temps dans lesquels on vit, c'est qu'il y a de la diversité culturelle. Bon, là c'est peut-être pas la plus grande diversité, l'anglais, le français, tout ça, mais moi je veux dire, est-ce que la nourriture canadienne c'est la meilleure, tu sais, c'est le fun d'avoir des choses qui viennent de l'étranger. Mm-hmm. Puis finalement, après quelques générations, ça devient quelque chose de plus solide. De toute façon, si on couchait tout avec nos frères et sœurs, on serait pas très, très en forme et en santé. Donc, c'est bon qu'il y ait des trucs qui se mêlent dans la recette. Beau, ouais. Là, je sais pas, je suis un peu fatigué, là, je dis des affaires weird. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est le fun d'avoir de la diversité. Puis ouais. Avec l'Internet, tout ça, de toute façon, on a tellement de choix que ça, on n'impose rien à personne de toute façon, fait que c'est bien cool que tout le monde peut faire qu'est-ce qu'il veut, puis ceux qui ont le goût de s'en imprégner peuvent le faire. Puis en même temps, on en parlait tantôt, mais le fait de chanter en anglais aussi, ça donne aussi la chance d'offrir ta musique à plus de gens. Ouais, ben ouais, c'est sûr qu'au Québec c'est plus difficile de partir puis tout ça, mais si on regarde globalement, c'est sûr qu'il y a peut-être un plus grand potentiel commercial pour de la musique en anglais. Une fois qu'on sort du Québec, mettons. Ouais, ouais. Peut-être si je chantais en mandarin, ça serait encore mieux. Ah oui, ils sont plusieurs à parler. Mais c'est ça, mais là, ça, je suis allé dans les langues que je connaissais déjà. Ouais, ben, est-ce que tu as commencé un petit peu à jouer en dehors du Québec? Ouais, ben, je suis allé faire des festivals à Toronto cette année, puis je suis retourné jouer là 2-3 fois. J'essaie d'y aller assez régulièrement pour. Parce que même le Montréal anglophone, ça part de Toronto quand même, tu sais. Fait que si on veut être présent au Canada, c'est là que ça se passe. Donc j'essaie d'aller jouer là parce que je les haïs pas, les autres Canadiens. Ouais, la réaction est bonne là-bas. Ouais, ça se passe bien, mais ça se passe lentement aussi, comme ça s'est passé lentement ici pour moi. Puis mais ça me fait pas peur, tu sais, de recommencer des choses ailleurs. On s'en va en France aussi, puis on retourne au UK, puis... Je le sais que c'est de recommencer à chaque fois. Puis... Mais dans le fond, tu l'as déjà vécu justement, fait que tu sais, tu connais un peu les étapes, ouais. Quand tu t'embarques dans un... Mais ça devient difficile parce qu'on s'habitue à un certain confort. Quand je vais au Québec, il y a un minimum de gens dans la salle, qu'il y a toujours des gens. J'ai vendu 15 000 albums, fait qu'il y a quand même du monde qui connaissent mes tunes, puis tout ça. Fait que j'ai un public qui sait je suis qui. Puis là, tu t'en vas dans des places, tu joues dans le coin du bar, ouais. Le monde parle, puis tu recommences à ça aussi, puis c'est rendu plus difficile parce que de l'autre côté, il y a quelque chose de confortable à la maison. Faut pas avoir un trop gros égo. Ouais. Non, faut pas trop avoir d'égo, mais puis aussi, faut pas avoir... voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose de super intelligent, mais ça m'est sorti de la tête. Ça m'arrive assez fréquemment. Ouais? Ouais. On va pas de la voix sortir l'intelligence, puis j'essaie de la retenir, mais c'est impossible. Ouais, j'essaie de m'en créer moi-même des fois. Spectacle qui s'en vient, c'est celui du 5 novembre à la Maison de la Culture, ici à Trois-Rivières. On peut s'attendre à quoi en spectacle? C'est en trio, c'est en formule trio. Ça ressemble à quoi, ça? Oui, ben, c'est ça. Plus je fais des spectacles, puis mieux ça va, plus je dépense d'argent dans des musiciens. Donc là, j'ai commencé solo. Après ça, on était duo. Puis là, depuis la fin de l'été, on est en trio. Alors, moi, on refait les arrangements un peu à chaque fois, puis on s'adapte à chaque situation. C'est super cool parce que les deux gars qui jouent avec moi c'est vraiment des musiciens de talent. Bon, c'est pas super cool pour moi parce que j'ai pas l'air trop bon à côté des autres. Mais ça fait, je pense que ça rend le show vraiment le fun. Puis sur l'album, il y a comme 20 musiciens ou 25 musiciens. Fait que c'est sûr qu'on fait pas la même chose, mais je suis très content des arrangements qu'on a faits. Puis pour moi, de faire différent, ça fait que je me tanne pas. Puis ça me... En fait, si c'était pareil que le disque, je pense que ça vaudrait pas vraiment la peine d'aller voir un spectacle. Ouais. Tu sais. Fait que c'est cool que c'est différent. Puis j'aime ça quand c'est un peu... quand il y a de la dynamique dans un show, puis d'une tune à l'autre, ça évolue, puis whoop, ça devient tranquille, puis whoop, ça relève. Puis j'aime pas trop quand c'est trop linéaire. Fait que je me dis que si moi, je m'ennuie pas, il y aura d'autres mondes qui s'ennuieront pas. C'est certain. C'est très bon. On est toujours avec Ian Kelly ici en entrevue à Assemblage Requis. Je pense que ça pourrait être le moment choisi. Pour, ouais, justement, tandis qu'il parlait que ses musiciens étaient plus doués ouais. que lui, on va lui demander de s'exécuter, voir si c'est si pire que ça. Enfin, c'est pas si pire que ça, j'ai pratiqué. Ouais, je suis sûr que c'est excellent. There's a part of me that's made entirely of generosity. Can I be a bad man? Can I go to war and make them understand? What's the use in generosity if I just keep it all for me? Can I talk sense into them even though I have a weapon in my hand? Can you take me home for a little while? Can you bring a smile? Can you take me home? I wasn't that prepared to tell the truth. I'm scared of myself. Country is as mad as the neighbors. We are killing for our wealth. We just care about our economic health. Sad to say, but you and me, we are no better than our enemies. Just follow the instructions that are leading to destruction. So you see, can you tell? Excellente pièce de Ian Kelly, wow. Take Me Home, en studio avec nous. C'était bon. Oui, c'est très bon. Oui. Merci. Félicitations. Ouais. Ben voilà, à moins que tu aies d'autres questions, Kiwan, je pense que... Ben non, moi je suis comme un petit peu ailleurs, là. J'étais dans ma tête là, avec ouais. cette chanson. Ça s'écoute tellement bien. Ben oui. De Ian Kelly. Son album le plus récent, en fait, s'appelle Speak Your Mind, qui date quand même de 2008. Est-ce qu'on peut avoir des petits scoops? Là, t'es en grosse tournée de spectacles en ce moment. Tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de spectacles. Ouais, j'en ai pas mal. Je suis content. Je suis chanceux. Mais ça se passe bien aussi. Il y a des gens qui viennent au spectacle. Ouais. Fait que c'est cool. T'sais, dans un monde de subventions comme dans lequel on est, des fois, on n'a pas besoin d'avoir du public pour continuer à faire des spectacles. Fait que c'est le fun que quand même, là, il y en a. Cool. C'est plus encourageant, mettons. Quand ben, c'est une meilleure ambiance. En ouais, c'est ça. Mm. Ça fait des shows plus le fun. Donc, t'as pas commencé encore à travailler sur un prochain album, là, rien de... Ben, je pense qu'on travaille tout le temps là-dessus, même quand on n'est pas assis à notre pupitre. Ça trotte dans la tête. Ouais, ouais, c'est ça. Je fais l'épicerie, puis il y a des trucs qui m'inspirent, puis j'arrête pas. Puis évidemment, moi, j'enregistre souvent des petites affaires. Fait okay. que j'ai quand même du matériel, mais je suis pas très pressé parce qu'on commence à peine à sortir du Québec aussi, puis j'aimerais voir ce qui peut se passer avec cet album-là. Il y a encore du chemin à faire avec cet album. Bon, on verra. Ben, moi, mon but, c'est pas de le rentrer à coups de marteau dans la tête du monde, mais si je sens que la réponse est positive, je vais peut-être continuer à pousser pour celui-là un petit peu encore. Ouais. Cool. Cool. Je suis pas tanné de jouer cette tune. Ben non. Ils sont encore bonnes, ils vont toujours être bonnes de toute façon. Ah, ben merci. Donc, le spectacle, c'est le 5 novembre à la Maison de la Culture. Ici à Trois-Rivières, il y en a d'autres d'ici là, dans plusieurs autres villes. Vous pouvez aller voir le site de Ian Kelly sur iankellysmusic.com. Exactement. Pour connaître les dates et en savoir plus. Avec un i, hein. C'est vrai. Il y a du monde qui pense que, parce qu'on est au Québec, c'est Ian, mais c'est pas un grec, c'est I-A-N. Voilà. Et Kelly a un y, lui, par contre. Effectivement. Oui, voilà. Music a un i, par contre. Ouais, oui. Aussi. Puis un u. Puis un s entre les deux, parce que c'est la musique de... Ian Kelly. Hey, c'est très bon, votre émission. Merci, c'est vraiment très pertinent comme commentaire. Ian Kelly, l'album Speak Your Mind et puis son spectacle 5 novembre, Maison de la Culture de Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, on se voit là-bas. Absolument. Alors, on va retourner en musique avec Vincent Vallière cette fois-ci pour aller entendre la pièce qui est sur le palmarès. Voici Sortir du bois. C'est un assemblage réquis. Il reste un bout à faire avant d'arriver, Me boirais ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Vincent Vallière et la pièce Sortir du bois, ça vient de l'album Le Monde Tourne Fort ici à Assemblage Requis. On est ensemble jusqu'à 17h. Kiwan, Mathieu, vous. Oui, il reste encore une heure d'Assemblage Requis, donc restez là. Dans la dernière heure, il va y avoir entre autres la présence de Sébastien Dulude. Manquez pas ça. C'est fou, 89 ans. Méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des Trois accords et leur morceau Dans mon corps. C'est la pièce de leur plus récent album qui vient tout juste de sortir. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Et en passant, Assemblage Requis a le site web sur assemblagerequis.com. Et là-dessus, vous allez retrouver la balado-diffusion d'émission de tous les jours depuis le début de l'émission. Aussi, la dernière porte à gauche, les palmarès C'est fou et CNX.zip. En plus des liens, des chroniques, les liens vers les artistes dont on parle. Un paquet de choses comme ça. Donc, tout est là-dessus. C'est sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi visiter le www.cfou.ca si vous voulez, par exemple, réentendre seulement l'entrevue et la prestation, tout découpé, là, sans le blabla puis les deux heures interminables autour de ça. Bon. Si vous voulez juste entendre Ian Kelly en entrevue, en prestation, vous allez sur cfou.ca dans la section balado-diffusion. C'est comme manger de la poutine pour vouloir juste du fromage. Achète-toi du fromage en crotte tant qu'à ça, tu sais. Mais non, mais je suis sûr que tu fais ça. Toi, tu manges le fromage en premier. Ouais, j'aime ça. Bon. Tu veux? Bon. Tout se règle. Tout serait plus du type cfou.ca. Voilà. Mais non, moi, je m'occupe d'assemblagerequis.com seulement. Cfou.ca, c'est du caca. Non, c'est pas vrai. C'est le meilleur site de radio universitaire francophone. On adore le www.cfou.ca. Allez-y dès maintenant. Tout à l'heure, on va avoir une capsule de Régis Solerie parce qu'il faut continuer notre série sur l'Halloween. Donc, ça va être le diable dans tous ses états dans quelques minutes à peine. Mais avant ça, on va leur entendre une pièce du palmarès anglophone. C'est Relator de Pete Yorn et Scarlett Johansson. Vous êtes à Assemblage Requis au 89.1 FM. I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now

La troisième phase, les obsessions internes, s'attaque dorénavant à l'esprit du sujet. Le possédé présente des pulsions morbides ou suicidaires. Il pose des gestes en totale contradiction avec sa personnalité, tout particulièrement dans le registre sexuel. Vulgarité extrême, changements soudains et éphémères de physionomie, ce que l'on nomme prosopopèse, blessures volontaires, harcèlement psychologique de l'entourage. Sa conscience se trouble et il existe une certaine perte du système de la réalité. Ainsi, la phase des obsessions internes se manifeste-t-elle sur un mode davantage psychotique. La phase ultime, possession vraie, traduit l'intégration totale, bien que parfois discontinue dans le temps, du concept de démon dans le corps et l'esprit du sujet. L'individu s'automutile et le diable s'exprime dorénavant directement par la bouche du possédé. Le temps est alors venu, si les médecins eux-mêmes y perdent leur latin, d'en référer à l'exorciste. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. En tout cas, je te dis que si je croyais à ces superstitions-là, moi, je le ferais tout dans mes culottes. C'est vrai qu'à la base, ça t'en prend déjà pas beaucoup. Sympathique, c'est gentil. Ouais. T'as un petit problème, toi, avec la... urinaire, ouais. Donc, c'était une capsule de Régis Ollery. C'est la troisième partie de sa série « Le diable dans tous ses états ». Il y en aura une à tous les jours d'ici à l'Halloween. Donc, vous allez en réentendre une demain et aussi une vendredi dans les palmarès parce que, bon, fallait que ça fitte jusqu'à l'Halloween. Donc, c'est ça. Il va en avoir les vendredis aussi. Donc, vous allez être obligé d'écouter les palmarès si vous voulez entendre toutes les capsules une après les autres. Alors, on va vous avoir à la longue. Vous allez écouter toutes nos émissions avec Ewan et Mathieu. Parlant de Régis Ollery, mardi prochain, le 27 octobre, le docteur Payne Pendragon et son partner in crime, le rockmaster Alain Lefebvre, auront le plaisir de recevoir à réanimation le professeur Régis Ollery lui-même. Monsieur Ollery, qui est une référence du surnaturel et de son histoire. Ensemble, ils vont explorer les phénomènes de hantise qui provoquent depuis toujours angoisse et questionnement. Une émission spéciale de réanimation pré-Halloween qui sera certainement vous démontrer que finalement, vous n'êtes pas aussi seul que vous le croyez. Alors pour l'occasion, réanimation va présenter un contenu beaucoup plus lourd et inquiétant qu'à l'habitude. Donc, âme sensible, prière de vous abstenir. C'est à réanimation, vétéran du métal assez fou. Et toujours 100% chaotiquement hanté. C'est le 27 octobre, mardi prochain, à partir de 21h. Donc, soyez-y, mais d'ici là, on vous en reparlera pendant les capsules de Régis. Pas pendant, après, on va laisser parler. Hein. Voilà, donc, vous êtes à Assemblage Requis. L'émission la plus épeurante du retour. On fait peur. Kiwan, tu fais peur. Arrête de me regarder de même. Kiwan. Kiwan. Arrête de loucher. Ta bosse ressort. We'll be right back. Gorillaz et leur pièce 68 States, ça vient de leur album D-Sides, qui est un album de ramassis de pièces démo ou sinon dur à trouver. De temps assemblage requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Plus tard, il y a la chronique des sorties culturelles alternatives de Sébastien Dulude. Mais avant ça, on va retourner en musique pour aller entendre encore un petit peu de musique. Tiens, d'un bloc musical où il y a de la musique dedans, ça fit normalement. C'est pas mal ce que tu cherches dans un bloc musical, c'est de la musique. C'est fou, on est toujours un peu en marge, hein, on est des excentriques, donc on fait ça, des blocs musicaux avec de la musique. N'importe quoi. Des blocs musicaux avec de la musique. Voici Honneur de numéro. Se mérite le coup de tête d'un père de famille. Si je comprends, c'est moi qu'on a. en lice. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, je la gâche et hâte de finir. Le sort est contre moi. Messieurs, la messe est dite, sortez. Les objets contendants, torture. Libère mon territoire, l'espoir est sur mon continent. Messieurs, je regarde le soleil jusqu'à me griller la rétine. Si je plonge, vous viendrez avec moi. Respiration profonde. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, je la gâche, j'ai hâte de finir. Le sort est contre moi. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, je la gâche, j'ai hâte de finir. Le sort est contre moi. Le groupe numéro avec la pièce Honneur, un numéro qui sont en nomination cette année à la disque pour l'album électro de l'année, tout comme Bio Bazar, artiste de Trois-Rivières, qui a été élu parmi les 5 groupes les plus connus de Trois-Rivières, en fait, qui n'est pas vraiment un groupe, qui est un artiste électro. Et puis, concernant Bio Bazar, aussi, il y a la pièce Knock You Out de Tiësto. Qui a été faite pour un concours sur Beatport et qui pouvait aller écouter gratuitement sur Reverb Nation. Elle a fait une petite recherche, le Bio Bazar sur Reverb Nation. Vous allez trouver le remix que Bio Bazar a fait. Là, c'est tout nouveau. C'est sorti aujourd'hui. Là, je pense qu'elle a été diffusée là, sur Internet aujourd'hui. C'est dans le cadre d'un concours organisé par Beatport. Et pour en savoir plus sur Bio Bazar, allez voir dannyjanvier.com. Son site a plein d'informations sur la plupart de ses projets. Plusieurs façons d'obtenir plein d'infos sur Bio Bazar. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, on amène Sébastien Dulude pour sa chronique de sortie culturelle alternative. Va voir ailleurs si j'y suis. Je le dis à chaque fois, mais ça remet de bonne humeur instantanément, cette musique-là. Salut! Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui, toi? Oui, ça va bien. Cette semaine, je vous parle d'art visuel. Deux expositions, une à Montréal et une à Trois-Rivières. D'accord. La première, celle à Montréal. Évidemment, ça, c'est... Bon, quand on parle de trucs à Montréal, surtout en art visuel, souvent, on parle pas du Centre Bell hein, au niveau des lieux. Donc déjà, d'avance, ça peut faire peur là, de vous dire qu'on se rencontre à Saint-Henri dans une buanderie, voir une exposition. Après ma barre. Par contre, lorsqu'on sait que... Par contre, quand on a une brassée à faire, c'est pratique. On peut faire d'une pierre deux coups. Pourquoi pas? Tu peux payer avec ta monnaie de lavage. J'arrive à taper le 25 cents. Tiens, je paye mon billet. Bon, on a le Bucafin à Trois-Rivières qui fournit ses murs à des artistes. Et ils font la buanderie, du café, de l'Internet. Mais non, c'est ça. Il y a un bel endroit sur... en fait, j'ai vu des photos. J'ai bien hâte de m'y présenter. Sur Saint-Antoine-Ouest à Montréal, donc à Saint-Henri, dans le coin des Antiquaires. Les Antiquaires, c'est plutôt sur Notre-Dame. Là, mais dans le coin, justement, du Centre Bell. On a le Parisian Laundry, donc en l'anglaise, puisqu'on est dans l'West Island, dans l'ouest du centre-ville. Donc, c'est une buanderie parisienne, en anglais, très étrange. Uh-huh. Et ce lieu-là a été reconverti en lieu d'art, mais ça garde une petite touche très, ben, déjà au niveau de l'architecture, au niveau du lieu, c'est très ancré dans l'histoire populaire de Montréal. Et ils ont une petite touche, on le sent là avec les propositions qui nous offrent là, des trucs assez agréables, ludiques. Mais en même temps, bon, on peut être très sérieux dans ce contexte-là. Mais disons que c'est un petit peu une alternative à un certain réseau de galeries d'art assez guindé, merci, où il faut appuyer sur un buzzer avant de rentrer. Vous allez chez Simon Blais, par exemple, il faut appuyer sur un buzzer, là, quelqu'un qui vous toise, qui regarde si vous avez l'air de pouvoir vous payer une toile à l'intérieur. Et là, consent à vous ouvrir la porte. OK, ça ressemble un petit peu genre à des bars du centre-ville qui check le qui vérifie tes vêtements avant d'entrer. Ah ben c'est comme ça. Ça hein, arrive pas juste dans le domaine des bars. Dans le domaine des galeries d'art, il y a tout un milieu très sélect, très élitiste, mais il y a quand même des lieux qui proposent d'autres choses, de plus en plus de lieux émergents, mais des lieux aussi crédibles, sérieux. La Belgo, entre autres, sur Sainte-Catherine, c'est une multitude de galeries sur plusieurs étages, et on circule là-dedans, et ça n'a pas la même ambiance que certaines autres galeries. Mais c'est comme ça, c'est une industrie. Hein? Mais donc, pour en venir au fait, la Parisian Laundry accueille BGL. BGL, c'est un trio de Québec, tout simplement nommé en raison des noms de famille des trois protagonistes, Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Ces trois bonhommes sont complètement en train de réanimer leur installation, le concept d'empiler des cossins ensemble et des faire signifier. Ils ont un propos désarmant de bonheur et en même temps de questionnement. Ils empilent littéralement des trucs ou fusionnent des choses. Ils font des tournages aussi des making-of d'expositions qui n'ont jamais lieu finalement. C'est ça l'œuvre. Wow. Ils ont promené une moto sur une espèce de trailer tiré en rollerblade dans la ville de Québec. Ils ont filmé ça. Et finalement, ce qu'on a on montre en exposition, c'est la moto sur cette espèce de truc-là avec quatre roues là, pour être plus stable. Beaucoup de dérision, mais leur propos, évidemment, c'est la surconsommation, l'empilage de bebelles, mais aussi, peut-être que le côté le plus intéressant de questionner la surconsommation, c'est aussi la surproduction. Et quand on est en art et on conçoit, on produit des nouvelles choses, il y a un lien à faire avec ça. Qu'est-ce que j'amène de plus? Qu'est-ce que je crée de plus? Qu'est-ce que j'amène de plus comme cochonnerie non nécessairement biodégradable et tout dans ce monde, dans cette société-là? Donc, BGL, ils ont vraiment le côté ludique de la chose. Ils nous proposent des installations complètement déjantées. Si vous avez été à Shawinigan cet été ou à Ottawa l'année d'avant, il y avait une partie de leur exposition qui était fameuse. Il y avait une espèce de sky lift, là, des espèces de trucs orange qui peuvent lever très haut là, en forme de X un peu. Là. Oui. Et tout ça peut très haut, un peu comme des échafaudages. Et sur ce sky lift, il y avait deux distributrices à billets de banque. En fait, plutôt des machines qui comptent les billets de banque très rapidement. Et eux avaient réglé la machine au plus lent. Il avait mis une série de liasses de billets dans chaque machine. Et là, à peu près à chaque 15 secondes, ploup, ça lâchait un billet de très haut dans les airs. La machine était vraiment très, très haute. C'était dans une espèce de dôme là, dans le musée. Puis à Shawinigan aussi, il y avait une pièce très haute. Et là, on regardait les billets tournoyer. Et là, le plus drôle, c'était de voir les agents de sécurité s'assurer que les billets tombaient dans la zone là, pour pas qu'on puisse aller voler les 20$. Et c'était très drôle. Donc, cette réflexion-là sur lancer de l'argent dans les airs avec tout un dispositif complètement inutile, avec un lien évidemment avec, en tout cas moi je trouve en tout cas super actuel, avec l'industrie de la construction, mais sans rien dire pour rien, juste en faisant des choses, c'est vraiment des expositions qu'on regarde avec le sourire, mais il y a un propos. Et c'est cette fraîcheur-là qu'ils font mouche à tout coup, ces trois gars-là, ils sont fantastiques. Et là, et aussi, ils ont le don, en plus, de présenter des expositions qui ont toujours l'air d'un best-of ou d'une anthologie, mais c'est parce qu'ils récupèrent plein de trucs non achevés de leurs expositions. Donc, dans ce qu'on présente à la Parisian Laundry, il y a un paquet de revues par terre qui contient, en fait, c'est leur dossier de presse, tous les articles qui traitent d'eux, mais c'est mis par terre comme ça, super négligé. Et puis, à partir de ça, il y a des éléments d'anciennes expositions qui sont remis ensemble et il y a des nouvelles pièces, notamment tout un nouveau discours écologique qui commence à poindre dans leurs propos. Mais je sais qu'il y avait trippé à un moment donné sur le concept de sapin de Noël. À Chicoutimi, il avait présenté une exposition Profession Arbre de Noël. Donc, cette idée-là, évidemment, de couper des arbres. Alors, c'était fameux, en fait, l'exposition à Chicoutimi, il avait mis un paquet de sapins morts, là, vraiment très secs, très bruns. Il avait recyclé ça, évidemment. Il n'avait pas coupé ça pour l'expo. Et ils avaient tous couché par terre. Ça faisait comme des cordes. Au lieu d'être des cordes de bois, c'était des cordes de sapin. Mais au bout de chaque tronc coupé, il y avait collé des trucs comme des bouteilles de toutes sortes de marques connues, des toutes sortes d'objets inutiles, des télécommandes. Donc, tout ça pour voir comment un peu on coupe l'arbre et qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est un produit de consommation. Donc, un discours assez simple à ce niveau-là, ouais. Mais amusant aussi. Il y a de la créativité tout à fait naïve, un peu niaiseuse pour rire là-dedans. Beaucoup de spontanéité dans leur travail. Beaucoup de fraîcheur. Donc, j'avais manqué le vernissage de ça. J'avais pas vu que ça se passait, mais là, j'ai mis la main sur ce compte-rendu dans Le Devoir. Et donc, on nous indique que l'exposition est accessible jusqu'au 21 novembre. Je répète l'adresse, 3550 rue Saint-Antoine-Ouest à Montréal. Donc, ça, c'est métro, je dirais, Saint-Henri. Descendant un peu. Whatwater, dans ce coin-là. Et puis, donc, BGL. Il y a plus d'informations sur leur site Internet. Il y a des petites vidéos aussi montrer un peu leur esthétique à bravobgl.ca. Non, ça aussi, c'est ironique un peu. Moi, j'aime bien gros ça. Ouais. Beaucoup d'autodérision, ouais. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'originalité. Parce que c'est pas les seuls à faire de l'installation, du recyclage, nous faire construire des maisons avec un paquet de trucs, des vêtements, faire des cordes avec tout ça. T'sais, recycler, puis faire réfléchir à la surconsommation. Mais moi, j'aime bien l'angle de la surproduction. J'aime ce côté-là. Il me semble qu'il y a un angle un petit peu plus peut-être authentique dans leur cas. Ils s'en font pas, en tout cas, avec la gravité des choses, mais ils font pas ça complètement niaiseusement non plus. Ils sont bien intéressants. Vraiment. Et je pensais écouter une petite toune, ça fait quelques semaines que j'en amène pas, et ça va faire un lien très subtil, je vous l'annonce, avec la prochaine exposition qui aura, dont le vernissage est dimanche prochain. Mais pour tout de suite, on écouterait cette pièce. Tout de suite, dans le bloc « Va voir ailleurs si j'y suis » de Sébastien Dulude à l'Assemblage. Bon, il y en a sûrement qui ont reconnu cette pièce. C'est une reprise de Pink Floyd. Ça vient de leur album Wish You Were Here. La pièce Have a Cigar, reprise par Primus. Et c'est la pièce où l'anecdote de Pink Floyd, où à un moment donné, dans la carrière de Pink Floyd, il y a un gérant, un genre de l'industrie, est allé voir quelqu'un de Pink Floyd, puis il a dit « Vous êtes super bons, les gars, mais c'est qui Pink? By the way, which one of you is Pink? » Parce qu'on pensait toujours que c'est Pink Floyd, ça devait être le nom de quelqu'un, une espèce de mentalité comme ça. À l'époque, les noms de groupes un peu originaux, on n'était pas habitué avec ça. Et il raconte ça dans cette histoire-là. Et donc, Pink Floyd. Et donc, pourquoi je vous parle de Rose? C'est parce que le lien est ténu, là, je dois dire. Ouais, j'avais envie d'entendre. La pièce, c'est que l'exposition du centre d'exposition Raymond Lanier dimanche prochain s'appelle Rose, miel comme couleur. Ah, rose miel comme couleur, comme ça. Rose miel comme couleur, oui, c'est le thème de l'exposition. Commissaire Marie-André Levasseur qui a réuni 15 artistes de la relève au féminin. Ah, donc là, on assume, là. On a 15 filles artistes et on leur donne rose comme, ben pas comme thème, ils font ce qu'ils veulent, mais d'habitude, quand tu te fais inviter avec un espèce de truc comme ça, tu y vas. Mais là, ça pose la question, est-ce que j'y vais avec la couleur? Et c'est ça qui va être intéressant de voir. Donc, on parle de 15 expositions dans une. Donc, 15 segments de murs par 15 artistes différentes dans le centre d'exposition Raymond Lanier. Donc, c'est à la Maison de la Culture au centre-ville de Trois-Rivières. Pour ceux qui connaissent l'endroit, bon, la salle est divisée en deux. Et il y a aussi une espèce d'îlot au milieu. Donc, ça donne quand même un bon nombre de pans de murs. Et chacune en aura un, donc, pour quoi exactement traiter de cette histoire du rose-miel comme couleur. Pour connaître certaines de ces jeunes femmes, je sais que ça a été toute une question d'assumer est-ce que j'y vais dans le rose, est-ce que je ne fais jamais de rose, alors est-ce que j'y vais, est-ce que je me questionne d'aller au-delà. Est-ce que j'essaie d'être trop original, puis dans le fond, ça n'a aucun lien finalement? Et voilà, et déjà que le thème rose-miel, on sent le sucré est vraiment poussé à bout, donc on parle d'un féminisme bonbon, là. Donc je pense que c'est ça un peu l'idée peut-être de piéger ou de... Moi, un peu, on dirait que c'était conçu pour piéger, pour mettre un petit peu dans un coin ces artistes-là et voir comment ils vont se débrouiller avec ça. T'es sorti de ta zone de confort, là, pas mal. Ouais, quelque chose comme ça. Je m'attends à peu près 50 % de rose. 50 % de miel. Non. Bon, oui, hein, il y a le jaune. Mais ça existe du rose miel. Il me semble que le trèfle du miel et la fleur de trèfle n'est-elle pas rose? Ah! Mais là, on s'éloigne un peu du propos. Non, sérieusement, c'est un pronostic que je me fais à moi. Là, je m'attends à voir pas vraiment plus que la moitié des propositions qui sont vraiment... Tu sais, on parle de couleur, là, rose, là, dans le rose, autour du rose. Ouais. Mais peut-être plus. C'est là qu'on va voir est-ce que finalement la consigne était trop majeure, trop importante, trop... Oui, c'est assez strict, là. Je veux dire, rose, ouais, à un moment donné, ça te laisse pas grand... Mais qu'est-ce qu'on dit, c'est que... On parle de la couleur, mais on dit que les différents artistes ont usé leur imagination afin de matérialiser ce qu'elles ont interprété de cette couleur. Il en résulte une exposition variée, diversifiée, plurielle, qui n'a pour dénominateur commun que l'utilisation de rose-miel comme couleur. Mais là encore, vous voyez, j'en doute. J'en doute. Pour connaître certains des artistes, j'en nomme quelques-unes, ils sont 15, tous donc des femmes de la région. Isabelle Ayotte, Suzy Bergeron, Évelyne Boutet, Isabelle Clermont, Marie-Jeanne Decoste, Isabelle Gauvin... Valérie Guimond, Fontaine-le-Riche, Marie-Ève Proto et bon, il y en a quelques autres comme ça. Donc, toutes ensemble dans cette exposition-là. Et donc, on peut s'attendre aussi au niveau social à tout un événement mondain. Ça va être vraiment le fun. On parle de 15 artistes, ils amènent toute leur gang, leur famille. Il y en a beaucoup là, qui se connaissent entre elles. Beaucoup de ces artistes-là sont, par exemple, à l'atelier Presse-Papier. Il y a de la peinture là-dedans. On va aussi avoir de l'estampe, donc de la gravure ou de la sérigraphie. Probablement aussi des objets pour certaines. Peut-être aussi des propositions en vidéo, quoique je ne pense pas, mais je ne connais pas tout le monde non plus, mais ce serait pas impossible. Donc, l'art visuel, tout médium confondu. Et donc, beaucoup de monde qu'on attend à Raymond Lanier pour venir prendre un verre et regarder tout ça et discuter. Et je pense qu'il va y avoir une petite allure un peu festive, là. Oublions certains vernissages très austères, ou troisième âge. dans ce cas-ci, on est vraiment des artistes de la relève. Et quel âge a un artiste de la relève, selon vous, au sens de la loi sur les arts? Ah, bonne question, je sais pas. Y a-t-il vraiment un âge physique pour la Conseil personne? Conseil des arts et lettres du Québec. Ça doit pas être la majorité, peut-être 16 ans? 16 ans? Ouais, non, je sais pas. Kiwan? Ah, moi, je dis un petit peu plus, ouais. 25 peut-être. C'est 35 et moins. 35 et moins, 35 donc et pas moins. En haut de 35 ans. Mais tu peux être de la relève même si t'es en haut de 35 ans. Oui, mais le critère, c'est ça. Au lieu de décider le nombre, il y a certains critères, certains endroits où on se fie au nombre d'années de pratique. Mais là, il y a toujours moyen de dire, bon, d'oublier ses premières affaires. Puis dire, ah non, ça fait juste 5 ans, moi, je suis encore dans relève. Okay. Alors que ça fait comme 8, 9, 10 ans qu'il y a une démarche d'enclencher. Et au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec, là, les demandes que je regarde présentement, là, ce que je vois qui est le plus fréquent, au niveau de la relève, c'est 35 ans et moins. Donc, on peut avoir quand même, à l'âge de 35 ans, 10, 12 ans, 15 ans de pratique là, après derrière soi. On peut aussi commencer à 35 ans. Ben, c'est ça, je veux dire. Ouais. Garde Jésus, 33, puis... Ben oui, hein? Ce n'était qu'un début à 33. La relève. Partir après là-dessus. Jésus sera pas à Rosemiel comme couleur, plutôt 15 artistes de la relève invités au centre d'exposition Raymond Lagnier. Exposition, vernissage dimanche 25 octobre à 14h. Et ça dure jusqu'à quand? Ah, c'est une bonne question. 22 novembre. Okay. Après quoi, à la Maison de la Culture, je pense que c'est le Salon des métiers d'art. Et amenez votre gomme-ballon, ça va faire encore plus rose. Pourquoi pas? Mais ça pourrait, hein? Je me demande s'il n'y aura pas comme du quick aux fraises au lieu du vin. Ah, j'aimerais ça, du quick aux fraises. S'il y avait une dégustation de quick aux fraises, ça irait bien avec le thème, ça. Oui, exact. Un vin rosé. Quick aux fraises et barbe à papa, ça serait magique. Ouais. Mais il y a aussi des petites mousses aux crevettes, c'est bien populaire dans les vernissages. Oh, miam! Ça marche avec la couleur. Colin. Ah, je vous en apprends? Oui! Je savais pas ça. Je me prends au dépourvu. Bien bas. Mais merci, on te salue de d'en haut. Ça va se rejoindre à un moment donné. La semaine prochaine. Sûrement. Merci Sébastien Dulé avec sa chronique de sortie culturelle alternative qu'on appelle « Va voir ailleurs si j'y suis ». C'est toujours l'assemblage requis, Kiwan, Mathieu. Oui. On va retourner en musique un peu. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va retourner en musique avec United Steelworkers of Montreal et ça va être la fin tout de suite après ça. Mais ouais, on revient après. On revient. On ne vous laissera pas partir de même, là. Non, voyons donc. Non, ouais, non, ouais. On est fin. Voici Three Hard Knocks. Three Hard Knocks in the Dead Man's Hand. It's time to go. Long dead bird to the side of the road and the gold scarecrow. Three Hard Knocks de la formation de United Steelworkers of Montreal à Assemblage Requis et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Hein, c'est une belle émission remplie de choses aujourd'hui comme oui, toujours. Oui, ça a passé vite, il y a beaucoup de trucs aujourd'hui même si François n'est pas venu nous voir. Et il va être de retour lundi prochain, il faut dire. Il va être de retour lundi prochain, il a cédé sa place à Ian Kelly aujourd'hui. Ouais, qu'il aime en passant, donc on lui dit l'émission d'aujourd'hui, tiens, à François Landry, j'avais dit une pièce, l'émission au complet dédiée à François Landry. On le remercie, on remercie Sébastien Dulude, on remercie Ian Kelly évidemment, on te remercie toi Kiwan. Merci Mathieu. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain à 15h avec la chronique de Maxime Lemieux-Ramé sur ses suggestions musicales. Oui, il va nous parler entre autres de Wilco, Kaiser Chief et Animal Collective. On va aussi avoir une chronique technologique CNX et j'espère plein de beaux plaisirs et une chronique de vidéo avant la question aussi. Oui. Soyez-y demain, soyez là aussi pour la pilule du lendemain à 7h, le dîner de con à 11h. Allez voir le cif.ca pour plein de balado-diffusion et puis on se quitte avec la pièce Thème de Vanessa Pariétaire, si on veut. Leur chanson titre, chanson de nom, qui s'appelle aussi Vanessa Pariétaire. Comment tu dirais ça, toi? La pièce qui porte le même nom que le groupe, hein? On va trouver un nom, on va trouver un terme, c'est sûr. Bonne soirée, et tout à l'heure, il va y avoir du rap avec Rap 101 dès 19h. Restez assez fous. Bye.